c'est fou ça. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On reçoit Audrey Tremblay qui vient de parler du journal Zone Campus. Et Stéphanie Gagné nous partage ses coups de cœur et les sorties spectacles de la semaine à assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières en ce lundi 29 novembre 2010. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François-Olivier. Salut, François-Olivier. Ça va bien? Oui, passez une belle fin de semaine. Une petite fin de semaine, ça passait beaucoup, beaucoup trop vite. Ah, on entend ça très rarement, cette phrase-là, fin de semaine qui a passé vite. Ouais, non, mais en fait, c'est fou. On dirait que hier c'était vendredi que je passais le journal, donc... puis un matin, je rentrais. Et qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine de si mouvementé que ça? J'ai rien fait. En fait, mon père est descendu, donc on a passé du temps un peu en famille, et puis c'est tout. C'est tout? C'est tout. Sérieusement, c'est tout. Ouais. C'est vraiment tout. Toi, Mathieu? Donkey Kong Country Returns encore. Moi, sérieusement, je suis vraiment sur ce jeu-là. J'ai joué un petit peu. Pas beaucoup. Là, difficile mais... ou? Ah, c'est difficile. C'est difficile. Mais c'est le fun. Ouais. Ah, que j'ai hâte d'en parler. Mais je veux faire cette le tour. Cette semaine, non? Ben, ouais. Je sais pas si je vais avoir le temps cette semaine de faire le tour, mais je trouve que faire une critique de jeu sans avoir fait le tour, je suis pas sûr que je serais capable de faire ça. T'sais. Ouais. Je trouve que ça... c'est comme un film, tu le regardes au complet, ça, il me semble. Ouais, ouais, ouais. En tout cas. Mais c'est très, très bon. Donkey Kong Country Returns, je le conseille aux fans. C'est certain, certain, certain. Sinon, on va commencer l'émission tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais donc, vas-y. Ouais. Avec un petit plan de l'émission, on a Stéphanie Gagné qui va être de retour avec nous. Mais pour, on change un petit peu sa formule. Elle va faire les deux chroniques. Un deux dans un. Ton plat favori avec ses coups de cœur de la semaine. Et Take Me Out. Take Me Out. On a hâte de rechanter sa chanson. Oui. Tout à fait. Ils vont me sortir les paroles à l'aide. Ouais, c'est ça. Je pense que ça irait mieux. Donc, sa chronique sur les sorties spectacles aussi, Take Me Out, ça s'en vient vers les 8h30, tout ça. D'ici là, il y a Audrey Tremblay, la rédactrice en chef du journal Zone Campus, qui va être avec nous. Qui vient de faire le tour du journal de la dernière apparition du Zone Campus. On reçoit aussi Dave Morgan. On le reçoit pas, on va lui téléphoner. Oui, c'est nous qui l'appelons. Oui. Appelle-nous pas, on va t'appeler. Pour les lundis de l'humour au Manchester. Oui. Donc, voilà pour ça. Beau plan. Beau plan, bonne émission. Oui. La moustache, ça achève. Ah, c'est presque fini. Ben, c'est ça. Les blondes de tous les gars du monde doivent être sur le bout de leur siège. Le mois du mois de novembre. Ah, il reste vraiment pas grand temps. Quelques jours à peine avant que tout le monde se rase et on va arrêter d'avoir l'air d'une gang de taouins. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, mercredi, on se réserve peut-être l'émission, je sais pas ce que t'en penses, okay. Pour rappeler les gens. Oui, ben oui, ben pour, oui. Vraiment, en fait, là, donc, on va être le premier. Et puis... bon, toi, la règle du 3 décembre, t'en crois toujours pas. Hein? Tu dis toujours que j'invente des affaires. Hein? Ben, je sais pas, moi, j'ai pas vu ça. Non, j'ai vu ça dans les règles, moi. Ah ouais, pour vrai? Ouais, j'ai vu sur ça. Sur movember.com? Ouais, ouais, ouais. Cherchons là-dessus, mais moi, en tout cas, 1er décembre, je serais bien partant pour la raser quand même, malgré la règle du 3. Écoute, ou sinon, on peut attendre le jeudi, dans le sens que c'est notre dernière émission. Ouais, c'est vrai. Au moins, finir notre semaine d'assemblage requis. Ah, j'aurais pu me la fermer aussi. on a mis des photos en passant sur le cif.ca. C'est fait, c'est là, tout est à jour. Pour ceux qui nous ont envoyé des photos, parce qu'il y en a qui ne les ont pas encore envoyées. Hein. Ça, à un moment donné, on ne les forcera pas non plus. Mais cif.ca... Envoyez-moi là, ta photo de moustache. Ah ouais, de niaise. www.cif.ca, le lien pour la galerie Flickr des moustaches. des animateurs de C'est fou et de leurs amis, hein, ben de tes amis. Je les connais pas personnellement, mais je peux les considérer comme des amis si tu veux. Là. Je ne vais pas être trop personnel non plus. Ah oui. Ouais. Ah, c'est bien fait. Je viens d'aller voir. Bon, donc on commence l'émission avec Jet. Qu'est-ce qu'on écoute, François-Olivier? La pièce Ladida. Ladida, oui, tout à fait. Désolé, j'étais pogné sur le cfou.ca, les moyens de moustache. Il y en a du poil. Il y en a du poil. Déconcentre un peu. Amène la moustache, amène un rasoir pour raser nos moustaches. Amène la moustache. Poustache, comme tu disais. Poustache. Ouais, c'est ça. Non, mais ce serait bien, on pourrait se raser en direct à la radio jeudi. Pour entendre. Ouais. Faire des drôles de formes puis deux idiots rires en ondes. Ouais, c'est ça. Toi, tu suggérais le Hitler. Moi, je te disais que je pourrais pas faire de Hitler, j'ai pas le milieu de moustache. Non. Tu pourrais faire... non, en fait, tu fais l'opposé. C'est déjà un peu l'Hitler inversé. Vous êtes à Assemblage requis. Maintenant, François-Olivier, petite surprise. J'ai un minuscule, un tout petit. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu as de tout petit, mon ami? Wow, pas de rumeur. Non, je sais pas. Au contraire, c'est un petit poste d'écoute. Un petit poste d'écoute. Petit poste d'écoute, on va découvrir, comme on le fait une fois de temps en temps ici dans Assemblage requis, un album qu'on m'a conseillé, qu'on m'a dit que j'allais aimer ça. C'est le concept du poste d'écoute. C'est ça, mais là, un petit, c'est bon, on va entendre une pièce? Exactement, ouais. Parce que c'est tout ce qu'on a. Ah, OK. C'est un CD avec une seule petite pièce et on m'a dit d'écouter ça, que j'allais aimer ça. C'est quoi? C'est Golden Collider avec la pièce Sound Central featuring D2.MC. Je sais pas si c'est Run DMC, là, ça doit pas être lui. C'est D2.MC. On ne sait pas. Golden Collider. DMC. DMC, oui, okay, okay. DMC. Ouais. C'est ça, c'est la pièce qu'on s'en va entendre et puis on en revient après. On en revient après. On va vous dire ce qu'on en pense juste après, c'est dans le petit poste d'écoute au 89.fm. J'ai aimé ça, François, Golden Collider. Ouais, c'est pire. Ouais. Ça te fait accrocheur, je pense. Premièrement, je pensais pas que c'était francophone. Ça m'a surpris aussi. Ouais, tout à fait. Et puis, non, pas super. Pas si pire. Est-ce que ça tente d'aller entendre une vieille pièce, juste deux autres pour voir qu'est-ce que ça pourrait avoir? Certain. Donc, écoutons Spider Baby dans le mini poste d'écoute. C'est le poste, formation Golden Collider et la pièce Spider Baby à assemblage requis dans le bloc poste d'écoute. J'aimais mieux la première. Moi aussi, celle-là était plus calme. Hein? Plus calme, plus monotone. Mm-hmm. C'est pas une mauvaise chose, calme, mais dans le cas de monotone, là, ça peut être... Ouais, pour une chanson. Si on aime moins ça. Parlons un petit peu de Golden Collider. C'est le véhicule intersidéral de Lucien Zinato, ex-porno-robot et Laser Faces. Porno-robot? Porno-robot. Groupe Kiwan jouait ça à la dernière porte à gauche assez fréquemment. Ah ouais? J'aimais ça. Voguant sur les mers acides de minimal wave obscur et du synth-punk... synth-punk... prononce correctement. Abrasif, le projet solo du Ougan désorganisé se veut un hommage aux amours passés. Une page électrique où, où passion stridente et obsession récurrente se rencontrent pour ne former qu'un avec l'univers cosmique qu'est la musique, dit-il. Produit avec l'aide de Christophe Lamarche-Ledoux qui travaille avec des groupes que je connais pas, Ergen Mood, Man Machine et Donzel à la réalisation et à la production. Evil Tides, Quantum Bitches est un premier maxi pour les âmes tourmentées. Un pervy soft cell. Je comprends rien de ce que ça dit. Fait que je vais arrêter là. Sérieusement, je ne comprends pas. Mais c'est pas grave, c'est un style de faire des textes comme ça avec des mots qui veulent dire ben des affaires pour ceux qui l'ont écrit. Là. Ouais, ou carrément, ça veut rien dire. Absolument rien. Donc, c'est... Ça, c'est un peu plate pour vrai. Ouais, j'avoue, c'est vraiment tant qu'à ça, pour vrai, marque rien. Gardez un mystère, je sais pas. Ouais. Ça finit en disant la phrase est drôle. Golden Collider vénère le soleil et Golden Collider te vénère toi et tes troubles extatiques. Ça veut rien dire. C'est tellement, non. C'est tellement Radio-Canada bande à part, genre ce genre de texte-là, non? Ça fait bande à part. Ouais. C'est littéralement comme bande à part, puis se considère bande à part des fois. Mais bon. Bref, on aime ça. Golden Collider avec la pièce qu'on a entendue au tout début du bloc qui s'appelait Sound Central. Et puis après ça, c'était Spider Baby dans le poste d'écoute d'assemblage requis. Bon. Ah, ça me prendra à pas lire les textes. Non, mais c'est plate, tu sais, dans le sens que si tu lis, c'est parce que nécessairement tu t'intéresses au groupe, tu sais. Et puis sinon les gens perdent pas le temps, perdent pas leur temps à lire ça. Donc c'est quoi le but? C'est quoi le but de lire ça, sérieusement? Non, mais il y en a aucun, tu sais. C'est pour ça. MySpace.com/Golden Collider. Ok, mais on leur a dit, hein. MySpace.com/Golden Collider. Allez lire leur bio. C'est ça. Fantastique. Fantastique. Ça a l'air beau dans leur tête. Oui. Ça, il y a un nom d'imagination. Je peux pas croire. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Tout à l'heure, on va voir Audrey Tremblay avec son tour du Zone Campus. Zone Campus! Qui est toujours un kiosque là, qui est arrivé. Là. Oup, il est prêt ce matin. Donc, ouais. Si vous rentrez dans l'université, oup, prenez-en un. Il est aussi distribué partout ailleurs. Il sent la cannelle. Centre-ville. Ouais. Il sent la cannelle. Oui, parce qu'il est frais sorti du four, comme une brioche. Là. Comme une brioche. Écoute, c'est like pareil. Il y a peut-être du coulis dessus. S'il y a du coulis, je vous suggère peut-être de prendre l'autre en arrière. Okay. Ouais, je le. Ouais. Ouais. Et de vous en servir pour autre chose que ça. Écoute, ce que vous faites avec, ça m'intéresse pas. Donc, tout à l'heure, on va aussi avoir une chronique, c'est un fait, mais pour l'instant, on retourne en musique. François-Olivier Marchand, je vais te demander de me faufiler. Ah ouais, je te choisis quelque chose de même. Écoute, ce matin, j'ai eu beaucoup de misère à me lever. Ah ouais, ok. C'est dommage, ça, par exemple. C'est lundi, ça arrive souvent. C'est lundi, il fait frais, il fait noir, ce truc-là. Fait que final flash. Ah, François, c'est toujours le même que tu me sors quand je te demande un CD. Je le demanderai plus. Un moment donné. Moi, j'aime ça te surprendre pour te faire choisir quelque chose de différent. Mais c'est correct. Final Flash. Final Flash. Ben, ça fait un petit bout. Ben, oui, à chaque fois qu'on en fait jouer, ça fait au moins 2-3 jours. Ouais, mais tu sais, faut le maintenir un peu. C'est vrai, maintenir en vie artificiellement. Pas artificiellement. Laquelle de Final Flash? The Awakening. Parfait, c'est la pièce du palmarès anglophone. The Awakening de Final Flash dans l'assemblage requis. C'est fou. 89 fois FM. Ah, tu dégoûtes, François. Je dégoûte. Sans toi, ils ont de campus. Ah, j'en ai déjà un. Ah, je t'assis sur eux. Ah, c'est, ça sert de couche aussi. 19h à C'est fou. C'est fou, ça. 89.1. Tu dis que ça me donne le goût de danser, hein? Oui. Oh, c'est tellement de musique après. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Oui, vous êtes toujours à Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. La chronique C'est un fait s'en vient dans les prochaines secondes, François. Tout à fait. Et hey Mathieu, juste avant que tu fasses ta chronique, ouais. Je veux te parler de quelqu'un qui est mort et qui m'attriste. Ah, c'est plate, je sais. Ouais. Leslie Nielsen, ouais. Cet acteur, comment je pourrais dire? De renommée. Renommé et puis connu pour notre génération, je pense, car beaucoup, il a fait beaucoup de films. Surtout L'agent fait la farce, la série. Tellement que j'ai trouvé tellement drôle et que j'ai tellement écouté, là. Wow, juste pour ça, là, ça vaut la peine. Mm. Il a fait un autre film aussi, d'ailleurs, qui semble être connu, mais je ne crois pas avoir vu. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Exact. Ça? Ben, si ça fait partie d'une série, y a-t-il un si dans un ça? Ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, il a fait plein de films dans ce genre de parodies policières et autres. Tout à fait. Et puis, regarde, quelque chose d'amusant. Dans Wikipédia, il nomme un film qui va sortir en 2011, The Waterman Movie. Ah oui. Et Leslie Nielsen va jouer dedans. Mm. Ben, tu sais, il était rendu vieux. 84 ans. Ouais, on sait qu'il est mort d'une complication de la pneumonie. Pneumonie. Je me prends pour une poule aujourd'hui. Pneumonie. Ouais, exact. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est triste. Ouais. Mm. Donc, c'est une journée triste. Mm. Et c'est un Canadien aussi que je savais pas. Il vient de la Saskatchewan. Ouais. Donc, on peut être fier. Et voilà. Moi, ce que j'avais trouvé drôle depuis les dernières années, il commençait à. Il avait de la misère avec ses oreilles un peu. Ouais, tu me disais ça. Ouais, je sais pas. Il avait de la misère, il demandait de répéter, ou lui-même répétait plusieurs fois. Il y avait une émission sur la médecine à Discovery Channel jusqu'à très récemment. J'imagine que ça continue de jouer encore, ça. Puis c'était très bon. Voilà. Leslie Nielsen. Oui. Ouais. Moins déprimant maintenant, on va aller entendre un petit peu de musique. Zeus. Zeus. Fever of the Time. C'est bon ça? Sur C'est fou. Zeus et Fever of the Time sur leur album CA, ça assemblage requis. Très bonne pièce, Mathieu. J'aime ouais, ça, oui. Zeus. Moi aussi, j'aime ça. Zeus! Toi qui m'as fait connaître ça. Ben oui, mais quand même, c'est fou qui m'a fait connaître ça, moi. Ouais, mais toi, moi, c'est toi qui m'as fait connaître ça, puis moi, j'aime ça. OK, bon, ça va faire, ça va faire, ça va faire! Moi j'aime ça, mais c'est toi qui m'as fait connaître ça. Ça, oublie-le pas. Ben, parfait. Zeus. Zeus. Hey, François? Moi, j'aime ça, Zeus. Vas-y. François? Mathieu Plante. Je vais. Comment t'appelles ça? Charger comme une tondeuse. Une tondeuse, comment tu dis ça? Crinquer. Crinquer. Ouais. OK. Ben, m'a crinqué ma dactylo pour cet effet. Okay? OK. Attention. Elle est craquée, là. Elle est partie, on la voit. Hey, une chance, t'as fait le geste. C'était quoi, ça? Ça a l'air de... Quoi? Non, mais t'as fait le geste, mais ouais. J'imagine le... En tout cas, la personne qui est dans son auto qui écoute ça, des fois, vraiment pas le geste. Non, mais je l'ai dit, je crains. Oh, oui. Bon. Mais il l'a crinqué pour vrai. Oui, dans le studio, I'm crinking. on va parler de dinde. De dinde. Selon la compagnie Butterball, ceux qui fabriquent les dindes, là. En fait, ils fabriquent pas les dindes, là, mais ils processent. C'est eux autres qu'ils ont fait. ils ont accouché de dindes. 675 millions de livres de dindes sont consommés lors de l'action de grâce américaine. 675 millions de livres. Ah, ça, c'est pas... Un peu de dindes. Bon. savais-tu que les dindes peuvent... la façon de marcher pour une dinde, c'est trot... Trotter. Les dindes peuvent trotter à des vitesses jusqu'à 25 000 à l'heure. Je savais pas ça. 25 000 à l'heure. Imagine ça. Imagine une c'est du trot. It's trotting. Les dindes domestiques, évidemment, restent sur la terre, sur le sol. Mais les dindes sauvages peuvent voler jusqu'à 55 000 à l'heure. 55! Tabarouette. Imagine. Ça vole. Ça va. It's balling. La parade annuelle de l'Action de grâce par Macy's. Macy's Thanksgiving Day Parade. La tradition a commencé dans les années 20. Je sais pas ça, moi. Années 20. Ça fait longtemps que ça existe, la Macy's Thanksgiving Day Parade, qui passe à la télé depuis les années. Contrairement à la croyance populaire, même si les dindes sauvages existaient lors du premier festin de l'Action de grâce, le premier Thanksgiving Feast, elle n'était pas servie, la dinde. Ça existait, mais c'était pas servi. Non, à cette époque-là, les Américains, les Native Americans, les Amérindiens, si on veut, de l'époque. Hein. Les Premières Nations. Les Premières Nations, c'est mieux dit. Manger des fruits de mer, du maïs, des œufs, du squash, des épices, du maïs éclaté, du popcorn, ça nous dit popcorn, et des canneberges. Ah oh, oui? Ben oui. Canneberge, un peu comme le... Comment t'appelles ça? Le truc rouge, là, qui mange avec son grasse américaine, là. Ah, le... Ouais. Les atokas. Bon. En plein milieu de la guerre civile, le 16e président Abraham Lincoln a proclamé l'Action de grâce, le Thanksgiving, comme fête nationale. Donc, c'est devenu un congé à partir de là. C'est le fun, hein? Les gens aiment ça, les congés. Tout à fait. Mais qui n'aime pas les congés? Tout à fait. Doesn't like the country. Bon. Hein? je sais pas, j'invente des trucs aujourd'hui. Le plus haut... Situé le plus haut, le terrain de golf, là, parce que là, on change l'Action de grâce à d'autres films. La plus haute altitude. La plus haute altitude de terrain de golf, le plus long, la plus longue, voyons, la plus haute pente de ski et la plus haute, je mets mes masculins, mes féminins n'importe comment, le plus haut aéroport commercial du monde. Tout ça bon, en même place? Tout ça en même place, c'est en Bolivie, bon. Enfin, Bolivie. Bon. Hey, on se calme-tu les nerfs, là? Mais hein? Gay. Tous les plus longs noms d'endroits au Royaume-Uni qui ne répètent pas une lettre. Et qui commence avec B. OK, on va recommencer ça. Les plus longs noms d'endroits au Royaume-Uni qui ne répètent pas une lettre et qui commencent... ces noms-là commencent par un B. Mmh. D'accord. T'as Buckfastley, Bustling Thorpe et Barnoldswick. Donc, les plus longs noms d'endroits au Royaume-Uni qui ne répètent pas de lettre. Ils commencent tous avec un B. Bon. Tabarouette, merci. Merci pour cette information-là ce matin. Il y a des faits qu'on va chercher pas mal loin, je trouve, pour trouver... Hein. On parlait de la Bolivie il y a quelques secondes. La Paz, qui est la capitale de la Bolivie, est la plus haute capitale du monde. Hein, on n'est pas surpris, là. Ouais. Avec tout ce qu'ils ont de plus haut, là, à un moment donné. Hein? Ouais. Ouais. Toujours en Bolivie. C'est un pays tropical, mais c'est aussi froid que l'Arctique en Bolivie. Ah ouais? Eh ben, ça, tu vois, je trouve ça bizarre. Ouais, c'est ça. Mais peut-être parce que c'est en automne. Les neiges éternelles. Bon, bon, bon, bon. Et voilà. Et voilà, et voilà. Savais-tu que Twitter, au début, ça s'appelait Twitter TWTTR? TWTTR. Je savais pas ça, moi, du tout. Je l'ai appris aujourd'hui. TWTTR, ça a été inspiré par, évidemment, Flickr, le service d'hébergement de photos, FLICKR. Et là, la mode d'enlever une voyelle, ça fait très, très Web 2.0 depuis quelques années. Tout le monde fait ça. Très branché. Très, très plugged in. TWTTR. Et aussi, pourquoi ça a été nommé comme ça? Parce que les short codes des SMS aux États-Unis, c'est comme les petits codes qu'on peut envoyer pour voter, mettons, une émission de télé. C'est tout le temps 5 lettres SMS. Bon, c'est des short codes qu'ils appellent. Donc, c'est pour ça que c'était TWTTR. Et puis là, ben, avec le temps, c'est devenu TWITTER. Ils ont remis les voyelles, quoi. C'est le fun, c'est le fun. Les Schtroumpfs. On mentionne dans les... Et là, je crois que c'est les bandes dessinées, ça précise pas dans le fait, mais on précise que les Schtroumpfs font 3 pommes de haut. Donc, haut comme 3 pommes, littéralement. C'est mentionné comme ça. Je savais pas ça du tout. Savais-tu que Chris Farley était la voix originale de Shrek? Chris Farley, mais qui est cet homme? C'est l'humoriste un petit peu obèse, mettons, là. Un petit peu obèse, qui jouait dans Saturday Night Live. Il a été aussi dans le film avec David Spade. Tu connais David Spade? Non. Je sais pas, peut-être de vue. J'avoue, c'est tous des acteurs que tu connaîtrais de vue parce qu'ils ont joué dans plein de films, mais j'avoue que leur nom pour le public québécois est peut-être pas si connu que ça. Mais cherchez Chris Farley, cherchez le film qui est c'est des noms que j'ai déjà entendus, tu sais. Mais on dirait que je suis pas capable de remettre une face. C'est comme tout le monde qui a été dans SNL, tu sais. Des gens comme, mettons, je sais pas, qui d'autre. Eddie Murphy qui était dans... Ouais. Il y a des gros noms comme ça qu'au Québec, on les connaît parce qu'ils ont une giga méga grosse carrière, alors qu'il y en a d'autres qui ont une petite carrière, mais qui sont joués dans des films cultes pour les Québécois, puis on sait pas leur nom. Bon, ouais, tout à fait. Donc, Chris Farley était la voix originale de Shrek. Presque un an après la mort de Chris Farley, qui est décédé en passant, Mike Myers a pris le rôle. Voilà. C'est bien. Savais-tu que le nom du Pillsbury Doughboy, tu sais, le petit bonhomme Pillsbury, hein? Poppin' Fresh, ça va pas ça? Hein? Non, ça va pas. Maintenant, tu le sais. Ça sonne bien, par exemple. Tout à fait. Et on termine avec un autre gars qui a passé par-dessus un rôle. Savais-tu que Billy Crystal a dit non quand on lui a demandé de faire la voix de Buzz Lightyear dans l'histoire de jouets? Non, ouais. C'est vrai. Et il dit que c'est le seul rôle qu'il regrette de ne pas avoir pris. Mais pourquoi? Ah, ça, on dit pas, Mais pourquoi tu veux... Hein? Puis en plus, c'est ça, c'est même pas ta face. Hein? Ta voix, moi, ouais. En même temps, quelqu'un te demanderait de faire la voix d'un film, même si le film est un peu plat. Tu dis oui, pareil, c'est ça? Ben, je sais pas. J'imagine que c'est beaucoup de travail parce que on s'entend que ça. C'est un film de. C'était qui? C'est Pixar qui fait. DreamWorks, Pixar, en tout cas, quelque chose. Qui a fait Toy Story. J'imagine, vu qu'ils savent que c'est un film qui va être populaire avec le temps. Peut-être pas au début de Toy Story. Je sais pas comment ça a commencé, cette histoire-là, mais bon. Quand ça devient populaire, là, ta face, la face de ton personnage est partout. Là, il faut que tu enregistres des voix pour un paquet de produits. T'as plein de jobs là, autour de ça pour la promotion. Faut aller faire des entrevues quand même, même si c'est juste une voix. Il y a plein de choses qui viennent avec ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai pas vu ça de même. Mais, encore là, si le film est très plat, bon, ton travail s'arrête un peu là et ta face n'est pas vraiment... À l'avant-plan. Ouais, non, c'est ça, exact. J'avoue. Mais ton nom est sur le poster. OK. Je sais pas. Ah non, c'est sûr. Mais tu sais, c'est pas toi qui l'as écrit. Le monde, faut bien qu'il travaille. C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça pour cet effet. Ah, cool. Ouais, ouais. C'est comme ça. Matt. Ça fait plaisir. Hein? Ben oui. On a bien ri. Ouais, c'était pas particulièrement drôle, mais c'était bon. Bon, j'ai trouvé ça drôle. OK. Préféré là-dedans? J'aime bien les dindes qui volent. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, puis la Bolivie, ça m'a surpris un peu. Ouais. Puis, d'ailleurs, j'étais allé voir sur Wikipédia, puis c'est vraiment ce qu'ils disent à propos du climat. Car, en fait, là, les conditions climatiques sont variées en raison de diverses attitudes. Ouais, tout à fait. Ça a du sens. T'avais bien raison, François. T'es un homme de grâce. De grâce. Merci. Comme une dinde. Ouais, j'aime ça. Et tu voles à 55 000 à l'heure. J'aimerais ça, par exemple, ça. Criminel, va. Ça va être la fun de voler pour eux. Oui, oui. Mais prendre l'avion, Dieu sait que c'est plate. Oui, c'est ça. Ce qui est plate aussi, c'est dans tes rêves, là, quand tu sais, des fois, dans tes rêves, tu sens une chute. T'as l'impression de tomber. Oui. Je sais pas si c'est parce que tu penses que tu voles, je sais pas. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Moi aussi, ouais. Ouais. C'est ça. Mais pour ça, faut dormir. Pour ça, faudrait que tu dors, mais ça, t'es pas encore rendu là un jour quand tu seras grand. On va l'entendre, c'est qui ça, Serge Tankian? Serge Tankian, c'est le chanteur de System of a Down, qui s'est parti à une carrière solo. Et ça, on va l'entendre, c'est un extrait de son album enregistré live. Oui, Like the Dead Symphony. Est-ce qu'ils disent où, non? C'est la Auckland Philharmonia Orchestra. Je pourrais pas dire c'est où, là. Ouais. J'imagine. Ah, cool. À moins qu'il y ait un orchestre de Oakland dans une autre ville. Peut-être. Don't know, don't care. Don't know, don't care. On va aller entendre la pièce Elect the Dead. The Surge. The Surge. Sergent. Sergent Surge. Ça va être excellent. C'est un assemblage requis jusqu'à 9h. Surge. Fait plaisir. Surge avec l'orchestre symphonique d'Oakland. Mm-hmm. C'est un genre, hein? Oui. C'était définitivement un genre. Oui. Non, mais c'est bon, en fait. C'est peut-être pas la meilleure chanson de... C'est pas représentatif. De l'album, là. On pourra peut-être en écouter un autre cette semaine. Empty Walls. En tout cas, on checkera ça. OK, on va checker ça, François, si tu le dis, nous, c'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. On en a une deuxième tantôt avec Audrey Tremblay. C'est bon, fait qu'il va venir nous parler du journal Zone Campus. Oui, j'ai bien hâte. D'ici là-bas, on écoute l'Info Campus et puis on se retrouve juste après. Assez fou. C'est fou ça, 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées pour ce lundi 29 novembre 2010. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Audrey Tremblay qui vient d'arriver avec nous en studio. Bonjour à toi. Bon matin. Bon matin, bon matin. Hein, on en a-tu des affaires à se dire, nous autres? On en a plein. Ça arrêtera plus, hein? Donc on va l'amener officiellement parce que rédactrice en chef du journal qu'on ne mentionnera pas avant que ce soit le moment de passer la musique. Sinon, ça part très fort. T'es prêt? Mais moi, ça m'énerve cette machine-là. On devrait faire désinstaller ça. À chaque fois que je dis Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Bon. Salut, Audrey. Audrey, dis Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Il est sensible, je trouve. Ouais, beaucoup, hein? Pas le fun. Okay. Donc, bonjour à toi, dérégleuse de machine par excellence. Ça va? Ça va très bien, vous autres? Oui, ça va bien. Malgré les moustaches. Ouais. Malgré les moustaches et la température ce matin. Là. Ça achève, les moustaches. Là. C'est quand que ça finit? Est-ce que c'est vraiment vendredi? J'avais lu vendredi. Oui, c'est vendredi que ça se termine. Le gala est jeudi soir. Mais sur le site, en fait, ils disent vraiment, là, c'est à 30 partir... jours. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est possible que ça soit vendredi. Ouais, c'est ça, mais c'est juste comme finir la semaine, mais vu que le gala est le jeu. Ouais, même c'est si ça. C'est 30 jours, c'est 30 jours pour le monde, le public en général qui veut s'arraser pour le 1er décembre, c'est correct, mais pour ceux qui participent au concours, peut-être, de la plus belle moustache, hein, c'est ça le concours. Ouais. Mais ça serait plate de la raser avant le gala. C'est ça l'affaire, mais c'est où ça le gala? T'sais? C'est au temple. Au temple? Il y a des affiches un peu partout dans l'université qui expliquent là, combien ça va fonctionner. Ouais. Avec Hulk Hogan. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça cette affaire-là. Ouais. Il y a des consommations gratuites pour les moustaches. Les vraies et les fausses. Ouh! Alors, même les fausses. Ceux qui ont une moustache. Les dames veulent porter des moustaches. Dessiner sur le doigt. Ouais. Les filles font ça des fois, une moustache dessinée sur le doigt. Moi, j'aime bien ça. Il y en a qui se font tatouer. Oui, tout à fait. Plusieurs moustaches, plusieurs sortes. Plusieurs styles de moustache sur chaque doigt. Ouais. Tatouer, ça, c'est permanent, si je me rappelle bien, un tatouage. On peut rien te cacher. Peut-être pas tant que ça. Audrey, tu vas être heureuse de nous voir sans moustache la semaine prochaine. Oui. Là, tu dois travailler avec nous là, à tous les jours. Quoi que je trouve ça très drôle. Oui, pour être drôle, c'est drôle. Ouais. Je trouve ça bien amusant. Ouais. T'es avec nous pour parler du journal Zone Campus le plus récent, celui qui est en kiosque du 29 novembre au 12 décembre. C'est le volume 6, numéro 7, 16 pages, mensuel grâce à zonecampus.ca, comme ça dit sur la une. Exactement. Hein? On dit tout. Que dire de plus? En couverture. Sur la une. Oui, couverture. Oui. En première page, on a Place à la relève qui était au-delà de leur objectif. Ils ont gestionné ça à fond. Exactement. Ils n'ont pas arrêté de gestionner. C'est ça. On parle en page 2 de l'AGE QTA qui n'a pas atteint le quorum. Non, pour l'affaire de la TASEC qui a fait pourtant la une Zone Campus la semaine d'avant. Exactement. Pas de quorum, les gens, ça ne les intéresse pas, ça, faut croire. Hein? C'est un peu décevant. Le quorum est à 850 votes, je crois. C'est pas beaucoup, là, 850. Non, c'est assez creux. C'est vraiment pas beaucoup. C'est assez creux. On pourrait faire le lien avec le vote pour le concours Adidas pour les 25 000 $. Oui, c'est quoi cette affaire-là? Ça? J'ai entendu parler de ça, moi. Oui, c'est un concours que Adidas offre à différentes universités. Okay. Il y a un 25 000 $ qui est offert pour le département de l'activité physique. Donc, ils vont pouvoir acheter des équipements sportifs, des ballons. Exactement. Des affaires comme ça. Oui. Puis c'est classé au prorata du vote des étudiants. Puis l'Université du Québec à Trois-Rivières est bon dernier. Oui, on est dernier avec au-dessus de 10 000 étudiants, on se rappelle, c'est ça? Oui. Ouais. Ouais. Et alors que Moncton, eux, sont en première place en ce moment. Donc, à un moment donné, bottez-vous. Là. Est-ce qu'on est éliminé? Est-ce qu'on est encore en concours? Je crois que la première phase du concours se terminait hier. Le 28. Oui, 28 novembre à 23h59, heure normale de l'Est. Les 16 premiers. Par contre, un petit bémol, en fait, pour ce concours-là, je pense que l'Université du Québec à Trois-Rivières, on est parti, mais vraiment en retard. Je pense que ça s'est pas su au début, là, en fait. Oui, mais le concours, il a commencé en même temps pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Il a commencé en même temps, mais il a pas été publicé dès le début, là. Ben, peut-être. Sur Facebook, quelqu'un a dû partir à mener la rumeur, mais peut-être que ça s'est rendu moins. Je l'ai vu quand même tôt. Eh bien. Non. Bref, on n'est plus dedans, fait qu'à un moment donné, on va passer à autre chose. Arrêtez de voter pour ça. C'était à vous de voter. Ouais. Bon. Hein? On continue. Pas d'affaire d'éducation physique. Oui, donc TASEC, c'est raté. Hein? Oui. C'est raté. Est-ce qu'il va y avoir. Va falloir lire l'article pour savoir s'il va y avoir des suivis là-dessus, une future autre élection. Exactement. On volera pas le punch quand même. Voilà. On parle du carnaval étudiant 2011 qui va avoir lieu l'année prochaine. Oui. En début d'année prochaine. Exactement. Qui va être sous le thème un carnaval évolué. Et le joli petit logo avec du singe au bonhomme de neige. Oui. C'est joli. Très beau logo. Ou d'un gars à quatre pattes en train de vomir, mais ça, ça le dit pas. Ça ressemble plus à ça, je pense. Ça, un des deux. Passons. Oui. Alors, on parle aussi de la journée carrière en enseignement qui va avoir lieu le 8 décembre prochain. Mm-hmm. Tout à fait. Il y a Yann Martel, d'ailleurs, mercredi, qui vient nous en parler. Yann et Mark. Dans ton éditorial, tu parles de... T'espères voir un colisée à Trois-Rivières. Exactement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si les autres peuvent en avoir, s'ils peuvent chialer, faire une marche pour ça, à un moment donné, hein, non? Exactement. Trois-Rivières, on n'est pas si pire que ça. Puis... J'ai de bons arguments, vous pouvez le lire. Ben oui, on va le lire nous-mêmes. En ce moment, moi, j'arrête la chronique ici, je lis ton éditorial. Non, c'est pas vrai. Prévention contre la criminalité, il y a beaucoup de vols de véhicules, en général des autos, des vélos, des motos, des boulots dodo. Oui, sur le campus, puis les policiers avec différents intervenants ont donné... en fait, c'est pas des tickets, c'est des avertissements comme de quoi qu'ils ont fait le tour du stationnement. Ils vérifiaient si les portes étaient barrées, s'il y avait des objets... De valeur. Ouais. Exactement. Sur le campus. Bon, c'est bien ça, j'aime ça. Crime, un fait intéressant, d'ailleurs, que tu cites, que Marie-André Gauthier cite, qui se passe au moins un vol de véhicule chaque semaine dans le secteur de la zone universitaire. C'est wow. Je me suis volé mon vélo ici, moi. T'es sérieux? Mais vélo, c'est arrivé souvent. Cette année aussi, on a eu une preuve. Il y avait une dame là, qui s'était pointée. Qui est venue me voir, moi, personnellement. Ouais. Parce que j'étais au courant. C'est ça. Moi, les vélos, je connais ça. Moi, se faire voler un vélo, c'est pas le fun. Non. J'ai consolé tout. Non, c'est tout. du tout. Mais ton vélo était barré. Oui. Tout à fait. Donc, les voleurs, ils se pointent directement avec décoteurs. Ben oui, c'est pas dur, ça, le décoteur. Hein? C'est pas dur, mais c'est quand même pas petit à cacher. Non, c'est ça. Ben peut-être que. Je sais pas. Ils sont en tout cas. Ils sont bien organisés. Il n'y a pas toujours du monde autour. On l'a demandé plus tard en journée. Là, ça commence à se vider. Tu sais, j'ai pris dans un reportage que même dans la cour d'un centre commercial, c'était en plein jour de 9h le matin. Ah ouais, tout à fait. Hein, tout à fait, il n'y a pas d'heure. Hein. Puis surtout dans les périodes d'achalandage comme Noël, tout Noël, ça. Noël, ben oui, tout à fait. Puis en plus, si t'es chanceux, il y a des cadeaux dans la valise. Mais, emballé. emballé ou pas. Il y a une carte, toi, t'as juste à barrer le nom, puis changer, pas grave. OK, on continue. On parle de l'UQTR qui décerne son prix du partenariat. De la table régionale de l'éducation de la Mauricie, la rencontre des partenaires en éducation qui va avoir lieu. Wow. Société. Ah oui, au pouvoir citoyen, la chronique de Jean-François Veilleux, une semaine sur deux, bascule totale pour l'instant. On aime ça, ça continue. Il reste une chronique à Sophia dans le prochain numéro. Oui, exactement. Ça va être fini. La dernière de Jean-François pour la session d'automne, mm-hmm. Qui parle, il fait un parcours politique de Jean Charest, dont la pétition. Il y avait une pétition qui circulait pour sa démission. Oui, avec l'Assemblée nationale. Exactement. Mmh. Et c'est le même sujet qu'aborde, en fait... Est-ce que c'est... Non, c'est pas Jean Charest, ça? Non, c'est Michael Ignatieff. Oui, tout à fait. Tu vois, je t'avais dit que je le reconnaissais pas, Michael Ignatieff. Tellement je suis pas la politique. Faut vraiment le faire, là. Faut le faire. Pas capable de reconnaître le gars. Fort. Vie étudiante avec les activités à suivre pendant la période de deux semaines du journal. Oui, exactement. On a dans les photos du campus en action Pépé et sa guitare qui était dans les studios de C'est fou la semaine dernière. Mm-hmm. Et Amir Kadir qui était aux tribunes libres à la Chasse-Galerie. Oui, il y a une autre tribune libre, ça va être demain. J'ai vu l'affiche tout à l'heure, on en reparlera. Ah oui, c'est demain. N'est-ce pas? Avec N'est-ce... André Gabias. Oui, demain, ben, c'est vrai. Tout à fait. Ah oui, c'est demain. Je l'avais mis retenu. L'affiche fait son travail pas mal. T'as de bons yeux. Oui, merci. dans la question Vox Pop, c'est quels effets bénéfiques ressentez-vous suite à la pratique d'une activité physique sur une base régulière? C'est assez précis, je dirais, comme question. C'est pointu. Oui, c'est très pointu. Et ça nous donne des opinions pointues, donc on aime ça. on va prendre une petite pause avant de continuer, Audrey, avec les arts et spectacles et les sports. On va l'entendre, l'école en bol, le mal à jupe, puis on revient après. Vous êtes à Assemblage requis? Hein? Ouais, t'es à Assemblage requis? C'est Assemblage requis ici, tu savais ça? Oui, c'est pas juste l'émission du matin. Ça a un nom, ça fait là. Malajubi. Malajubi avec Malajubi. Avec les colamboles. Malajubi. Malajubi de leur album Labyrinthe, Assemblage requis. On était avec Audrey Tremblay il y a quelques minutes à peine. Audrey Tremblay qui est rédactrice en chef du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Toi, je l'anticipe maintenant. Fait que, préparé, c'est bien ça. On était rendu en art et spectacle, Audrey. Exactement. Marie-Noëlle Marino est allée voir une exposition à Shawinigan qui s'appelle Insectes et Abstractions. Les images sont très, très belles. Oui, ça a l'air très intéressant. Intéressant comme exposition. Mm-hmm. Mélissa Beaupré, quant à elle, a assisté à une représentation de la troupe de danse Millennium, mm-hmm. qui est la troupe de danse de l'UQTR qui prépare un spectacle depuis très longtemps, dont les dates devraient sortir bientôt. Oui. Eux qui imitent avec leurs costumes des formations et des gens. Et des gens très populaires. Oui, est-ce qu'on peut les nommer? Madonna. Oh, mm. Lady Gaga. Et Michael Jackson. Ouh, Michael. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On parle aussi de la nouvelle exposition à Prince-Papier. Le Grand Orchestre de la Mauricie qui va présenter son spectacle « Enquête de Noël mm-hmm. ». Je suis allée voir Cathy Gauthier. Ah, t'es allée voir ça et tu écris là-dessus, toi? Exactement. Eh bien, ça a décoiffé, tu me dis. Ah oui, ça décoiffe. Mm-hmm. C'est pas pour les oreilles sensibles. C'est très, très bon, très c'est drôle. Cru. Mais... C'est vulgaire. Oui. Ah ben, ah ben. Mais c'est très drôle. Oui. Arborescence, Mathieu, qui va se dérouler demain. Oui, tout à fait. Demain, on recevait d'ailleurs Anouchka Soto la semaine passée pour nous en parler, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Donc, ça a lieu demain. On en parle dans le journal. Oui. On parle des nouveaux albums de Alpha Rococo et de Martin Lyon. Oui. En sport, on va parler de la fin de saison du cross-country, de l'activité physique. Donc, juste en général, l'activité physique, c'est important, c'est ça? Oui, en général. Super. Qui est en lien avec le Vox Pop qu'a fait Joanie, qui a écrit l'article. Mm-hmm. On parle, on a tracé le portrait de Jean-Sébastien Breton. Joueur de hockey des Patriotes. OK, c'est bien que tu me le précises, parce que j'avoue que l'idée. Encore une fois. La première édition du tournoi de volleyball. Oui. On fait le résumé. Et on parle des matchs de hockey des Patriotes qui semblent avoir un très difficile début de saison. Ça va pas bien? Non, ça va pas très bien. On essaie de trouver le problème, mais on semble pas mettre le doigt. Il est difficile à trouver. Exactement. À cerner. Oui. Mais Caroline, c'est donc... Hein? Ça fait le tour? Ben oui, déjà. Ah. Excuse, je t'ai coupé la parole. Ben alors, pas du tout. Je suis tellement habitué de moi te la couper. À un moment donné, il faut bien que tu me renvoies ça, hein, François? Tout à fait. Moi aussi, je coupe la parole à tout le monde. Tu dis rien pour que je te coupe? Ouais, laisse faire, d'abord. Si tu veux pas que je te coupe. Hey, merci pour l'apparition du Zone Campus. Ça fait plaisir. En caisse du 29 novembre au 12 décembre 2010. Ah, j'ai dit Zone Campus, mais il s'est rien passé. Ça fait deux fois que j'ai dit Zone Campus, ça... Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Des fois, la machine, avec le temps, après la longueur de chronique, à un moment donné, perd le fil. Es-tu en train de dire que je parle beaucoup? Non, mais on discute, on aime ça, on a du plaisir, on parle de choses intéressantes dans Zone Campus. Donc, allez voir sur le zonecampus.ca pour le lire de façon interactive. Et puis, procurez-vous-le en papier, parce que du papier, ça sent bon. Oui. Avant qu'il n'y en ait plus, à un moment donné, profitez-en. Hein? Tu sais, papier, ressource épuisable. Je voulais pas le lancer comme ça. Je voulais le lancer de façon un petit peu plus comme ça, dans la fente. Ah là, il est beau. Il est beau, on dirait qu'il est prêt à être lit. À être lit? Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Ouais. Ça va faire. Merci, Audrey. Tu peux dormir dessus. Plaisir. Tu peux dormir dessus, Caroline. C'est pas fin, ça. Ben, tu peux t'en servir comme couverte, comme on disait. Au début de l'émission, ça fait tout, ce journal-là. C'est pas beau, en plus. Hein? Wow. Merveilleux. Zone Gap. Audrey, que de compliments envers ton journal. Félicitations. Merci. On te retrouve lundi dans deux semaines. Là, c'est vrai, ça va être aux deux semaines. Oui. En fait, il en reste un, donc ça va être dans deux semaines. C'est pas mal ça. Voilà. Après ça, on verra si on te engage. Si on... Audrey qui? Moi, ça me dirait. Je connais pas. voilà. Ah, merveilleux. Hey, une petite chanson. Après ça, on rejoint Dave Morgan pour les Lundis de l'humour au Manchester. Oui, qui ont lieu tous les lundis, apparemment. Hein. C'est... Tout à fait. Lundis de l'humour, ça a lieu le lundi, ça, je pense. Tout à fait. Fort populaire cette soirée, d'ailleurs. Petite chanson, c'est ça que tu veux? Une petite chanson. Est-ce que tu te laisses aller avec du Yes Sir? Ah, ben avec plaisir. Du Yes Sir, moi, ça me gagne. À chaque fois, je dis « Yeah! That's what I say. » Yes Sir. That's what I say. OK. Chanson Monde Green, 89.1 FM, c'est fou, dans vos oreilles. N'importe quoi. Yeah, yes, c'est vrai. Faut t'expliquer quand je fais des blagues de même. Hein? Mais non. On les comprend, mais... On les aime pas. Ils sont pas toutes sortes de drôles. Sayer et la pièce Monde Green dans l'assemblage requis. Restez avec nous parce que plus tard, dans les prochaines minutes, on va recevoir Stéphanie Gagné avec ses deux chroniques, Ton plat favori et Take Me Out. Fait que restez là, genre comme style, comme genre, comme dans genre de style, comme de genre, de comme genre style. Comme. Wow! Wow! Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Jusqu'à 9h, c'est fou! He's just gonna walk. C'est fou ça. donne le goût de danser, hein? Oh, c'est tellement de musique entraînante. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h à C'est fou. Vous êtes toujours Assemblage requis, Info? Oui. Ça va? Ça va, toi? Oui, toi? Oui, très bien, merci, toi. Ouais, super, toi, ça va? Ça va, toi? Parfait, ouais, toi, ça va? Pas fatigué, ça va, toi? Ouais, moi, pas super fatigué, moi aussi, toi, ça va? Non. C'est OK. J'ai besoin de ton épaule, Mathieu. Oh, ben, t'apprends quand tu veux, de la façon que tu veux. Ça veut rien dire, du tout. Ça veut rien dire, mais ça... Ça, ça veut tout dire aussi. Ben, écoute, je trouve ça pas déplaisant de voir à quel point tu m'offres... Mes services. Tes services, tout à fait, Mathieu. C'est touchant. Bon, touchant, parlant de ça. Stéphanie Gagné, on va la recevoir. On peut-tu? Ça va-tu? On ne sait pas ce qui se passe. Là. On va parler des sorties spectacles de la semaine. Voici Take Me Out. Take me out! Bon matin, Stéphanie! Bon matin! Bon matin! Ça va? Oui, bien. Ça va. How are you? Ça va. Thank you. De rien. I'm fine too. Thank you, thank you. Yeah. Ben tant mieux, hein? Bon, ben quand même. Donc, sorties spectacles de la semaine, quelles sont-elles? On va commencer par le premier, ce qui veut dire après-demain, mercredi. C'est Elisabeth Isaac qui va être du côté du cabaret du Myland. Le 2, il y a un spectacle assez intéressant qui est à Trois-Rivières, au centre-ville. En fait, c'est l'ouverture de Frères d'encre, un studio de tatouage qui est déjà ouvert depuis 2 mois, mais ils font un spectacle avec ça, le party d'ouverture avec Les Maléchés et Devil's Hot Rod, et ça va être au Nord-Ouest. Devil's Hot Rod ne seront pas là parce que... pas pour vrai. Ben, je pense, en fait, c'est ce que je me suis fait dire, c'est qu'il y a un des membres qui s'est blessé. Ah, à date, j'ai pas vu ça sur Facebook. Ça a été remplacé. Je sais pas qui, là. Ah ouais? Ouais. Ah ben. Mais c'est pas grave, ça va être un bon spectacle quand même. Au moins, si les Maléchés sont là, ça va être une bonne affaire. Oh oui, non, tout à fait. Mais c'est dommage, Devil's Hot Rod, c'est vraiment quelque chose en spectacle. Ah, ouais. Ah, les gars sont bons. Hein. Moi, c'est pas vraiment mon genre de musique, là, mais ils sont vraiment là, très cool en show. Ça met de l'ambiance en même. Vraiment. Mais donc, c'est ça. Partie d'ouverture le 2, donc jeudi soir, pour Frères d'encre, qui est en fait juste à côté du Nord-Ouest. Et le show, c'est ça, se déroule au Nord-Ouest ou. Ouais, au Nord-Ouest. Dans le fond, c'est la porte à côté du studio. Ouais, c'est vraiment juste à côté. Ouais, vraiment. Mm-hmm. Ensuite de ça, le 3, il va y avoir Dumas qui va être au Centre des arts de Shawinigan. Et du côté du Trois-Rivières, c'est les Vendredis Live du D'Artagnan qui se poursuivent. Et cette semaine, ça va être Sonny Duval et Chantal Archambault qui vont être au D'Artagnan. On va entendre d'ailleurs Chantal Archambault un petit peu plus tard. Ouais. Et aussi, le 3 décembre, à Montréal, il va y avoir Brandon Flowers au Club Soda, donc ancien chanteur des Killers, qui a sorti un nouvel album solo cette année. Et le 4 décembre, il va y avoir Stars au Metropolis. Et c'est Chantal Archambault qu'on va aller écouter, comme tu disais, avec sa pièce qui est dans le palmarès. C'est le poêle à bois. J'ai le feu pris à l'intérieur de moi. J'ai le cœur qui vit au tremblement. Me dépose entièrement. Tes mots tendres me fondent dans la bouche. Les fils de mes nombreuses idées se touchent. Je n'ai plus qu'à abandonner mon corps à ton corps. Reste là. Reste là. Pour que rien et jamais chante à l'Archambault avec le poêle à bois dans mon plat favori. Non, ça, c'est après. Ouais, tantôt, ça. Tantôt. Ben, take me out, pas mal juste après. Ouais, c'est pas mal les prochaines secondes, en fait. Hein. Pas mal là. Là, t'es prête? Là. T'es prête? Ok, ah, ça, je sais pas. T'es prête, là? Là. Mais il va falloir quand même transitionner d'une façon appropriée. Hein, transitionnons. Transitionnons. Comme dans Stéphanie Gagné. Oui. Avec sa chronique, ton plat favori. Je suis ton plat favori. Stéphane Lai. Mathieu. Ça, il n'y a pas vraiment de façon de changer ton nom. Hein? Mathieu. Ouais, ben non. Pff, Mathieu, voyons, non. Ben non. Ça ne s'écrit même pas de la même façon. Ben non. Ben, ça peut se dire quand même. C'est pas écrit. M-A-T-T-H-E-W. Ouais, Mathieu. Mathieu. Mathieu? OK. Donc, Stéphanie, avec son plat favori, à chaque semaine, tu nous présentes un de tes coups de cœur artistique, culturel, cinématographique, musical ou théâtral, mettons, des fois. Mettons. Aérospatial. Non plus. Non. Sportif. Ça se pourrait. Ça se pourrait, hein? Ça, il y a des chances. Ben, il y a des chances. Ouais. J'écoute ben gros le hockey. Et tu passes à bord. Oui. Moi qui arrive de quoi vraiment d'exceptionnel, là. Oui, oui. Ben, que je trouve ça quand même exceptionnel que les Canadiens gagnent 6 semaines, mais bon. Je suis d'accord, mais c'est pas assez exceptionnel pour que j'en fasse mon plat favori. Crème si on gagne la coupe, là, ça va peut-être être mon plat favori. Peut-être, si je trouve pas de quoi de musicalement meilleur. Peut-être. Mais bon, cette semaine, c'est un coup de cœur musical. Des fois, j'ai bien de la misère à trouver un coup de cœur durant la semaine parce qu'on s'entend que je reste pas juste une semaine à écouter quelque chose. Non. À part du temps, je reste pogné un mois ou deux sur la même chose. Mais cette semaine, ça a été vraiment facile parce que je suis tombée sur un groupe que j'avais déjà parlé dans Guess What. C'est Two Door Cinema Club. C'est un groupe du nord de l'Irlande qui a été formé en 2007. Un groupe alternatif, électropop, vraiment un feel-good band. C'est pas un groupe qui va révolutionner le monde de la musique. C'est pas méga original, ça changera pas le monde, mais ça s'écoute tellement bien. Je me suis endormie avec ça hier. J'écoute ça pour lire. J'écoute ça dans mon auto, j'écoute ça tout le temps. C'est de la musique d'arrière-plan plus que de la musique de tu te hoches la tête, c'est ça? Ben... Je sais pas, moi, j'embarque super gros aussi quand que... OK, ah ouais. Mais pour lire, pour t'endormir, je me disais que ça devait être calme un peu, non? Non. OK. Non, moi, j'écoute n'importe quoi. Là, j'écoutais du Rise Against pour m'endormir. Ah oui? Wow. Ouais. Tu devais bien dormir? Non, mais je m'endors pareil. Mais non, au début, vu que je connaissais pas les paroles, mais tu sais, j'étais capable de me concentrer sur mon livre en écoutant la musique. Mais là, à cette heure, je serais plus capable parce que j'embarque trop, là. Je suis incapable de faire les deux, moi. Je suis incapable d'écouter de la musique et de lire un livre. La réplique d'une fille dans ce temps-là, mais tu es un gars. Non, mais... Non, c'est pas ça. C'est que moi, si c'est de la musique que je connais déjà, qui est super entraînante, que je connais déjà le beat ou les paroles, là, je serais pas capable d'embarquer dans mon livre. Mais si c'est quelque chose que je connais pas en tout, je vais être capable de l'écouter parce que je connais pas ça, fait que ça va être comme plus en arrière-plan. Comme t'es-tu capable de donner l'air d'une chanson en écoutant... Non. Pas moi. Ouais. Quand t'écoutes une chanson puis t'essaies de te rappeler de l'air d'une autre... Ouais, c'est infaisable. Ouais. Donc, c'est ça. Twitter Cinema Club, c'est vraiment de la musique qui rend de bonne humeur. Le groupe, en plus, il est sur l'étiquette Kitsune, qui a vraiment beaucoup de bons bands. C'est vraiment une grosse étiquette européenne. Il y a Block Party, Crystal Castles, The Drums, Falls, Klaxons, Larue, Phoenix. Tout ça sur Kitsune. Puis ça, c'est juste les groupes que je connais, là. Ouais. Il y en a qui sont plus connus que d'autres. Ouais. Un petit peu. Ouais. Donc, c'est ça, ils ont sorti un seul album, mais c'est cette année qu'ils ont sorti Tourist History, le 1er mars 2010. Ils ont jamais tourné en Amérique du Nord, mais ils s'en viennent en janvier pour une tournée de 2 semaines avec Tokyo Police Club. Ah ouais? Oui. Wow. Et la tournée va commencer avec 4 spectacles au Canada, dont le dernier qui est au Club Soda le 16 janvier. Et je vous conseille vraiment d'écouter l'album au complet parce qu'il y a vraiment aucune tune qui est mauvaise. Elles sont toutes vraiment bonnes. Mais mes préférés, Something Good Can Work, Come Back Home et la pièce qu'on va écouter, c'est What You Know, qui est la meilleure et qui est leur dernier single qui vient de sortir. Qu'est-ce que tu dis, François? What You Know, man? N'importe quoi. Ça sonnait comme ça. Ouais, c'est super. We'll be right back. take it if it's what I want to do. Cinema Club avec la pièce What You Know, pas de man. What You Know, man. What You Know, man. Ça, ah, ça fait vraiment un grand T-photo là, dans les. Tu sais, les. Ils ont eu des pièces dans des jeux. Dans FIFA, puis dans un autre jeu que je me rappelle plus. Fait que, en tout cas, il est écrit sur Wikipédia. Intéressant. Je sais pas vraiment si c'est payant pour des groupes de vendre leurs pièces comme ça à des jeux vidéo. Je sais pas, mais il y en a beaucoup qui le font. Mais ça aide beaucoup de groupes à se faire connaître aussi, à se faire sur les jeux. Là, c'est vraiment de la bonne musique. Là. Tout à fait, comme dans NHL. NHL. Oui, c'est ça. L'année passée, avec mon coloc, il jouait tout le temps à NHL. Puis j'étais comme, hey, cette tune-là est vraiment bonne, je vais la faire jouer cette semaine. Puis là, ça me donnait plein d'idées, mais c'est pas de la musique connue pantoute, c'est vraiment super bon. Semi-connue. En tout cas, il y avait plein de tunes que moi, je connaissais, puis que la plupart des gens connaissent pas. Mais je suis pas une experte de NHL non plus. NHL, il y avait Millen Collin dans le 2010. Là. Ouh. Seul tune que je connais, c'est Olivier Fingers Crossed. De Millen Collin? Ouais. Ah non, avec Black Eye, non? Non. Non, No Cigar? Non. 22? Non. Ah, d'accord. Je suis dans le même cas, je suis du côté de Steph là-dessus. Je connais aucune pièce. Bon, Millen Collin. C'est bon, gros, pour vrai. C'est vraiment là. Fais nous en jouer plus alors. C'est ton Tegan and Sarah. Mais non, mais ça passe pas tant le matin. En non. Fait, ben je trouve ça un peu agressif le matin. Ah. Pour les gens, moi j'en écouterais mais volontiers, mais. Ouais. On a fait jouer l'autre fois de balade, là, c'était tranquille, c'est la plus tranquille. C'est bon. Ouais. Ouais. Stéphanie, c'est à mon tour maintenant de te renvoyer la balle. On pourrait demander à François de t'en renvoyer une fois de temps en temps aussi. Hein? Mais bon. Ah, mais donne-moi une balle. Non, mais quand Stéphanie fait son plat favori, je fais mon dessert. Oh, oui, je sais. Tu pourrais faire l'apéritif, je sais pas. Les légumes. Ça irait. Donc aujourd'hui, j'ai choisi deux petites affaires vraiment très sympathiques. Premièrement, sur smosh.com, j'aime beaucoup ce site-là. Smosh.com? Ouais, mais c'est pas pour parler du site, là, mais parce que c'est comme un genre de duo humoristique là, qui sont pas mal drôles, qui font des parodies de plein d'affaires. T'as peut-être vu déjà de leurs vidéos sur YouTube. Mais bon, ils postent aussi des articles avec des comptes de photos, comme là, par exemple, 22 personnes avec des cheveux beaucoup trop longs. Donc, c'est vraiment cool. J'aime vraiment ça, ce petit article-là. Des fois, des cheveux soit tressés, soit en genre de rasta. Comment t'appelles ça? Rasta. Comment t'appelles ça? Des dreads, exactement. Sinon, des filles sur un genre de patio, si on veut, qui laissent tomber leurs cheveux jusqu'à terre, tu sais, tellement qu'ils sont là. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Mais c'est ça. L'article est sur assemblagerequis.com pour ça. Et puis, mon plat favori vraiment cette semaine, c'est plus cette vidéo-là. Que j'ai trouvé sur wimp.com, qui est un site où ils postent des vidéos le fun, puis j'aime bien ça, suivre ça. C'est une vidéo 100% créée par ordinateur. Et tu sais pas au début, mais c'est écrit dans le titre, là, on s'entend. Mais on voit par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a ici. Il y a des feuilles de genre d'arbre ou je sais pas trop quoi, des fleurs qui s'ouvrent, je sais pas, c'est des diamants, des pierres précieuses qui sortent, des citrons dans du bois. Et tout ça, c'est des graphiques par ordinateur, ça a été créé. Sur ordinateur, c'est pas des vrais. Et c'est assez incroyable. Comment ces gens-là ont du talent pour faire des tomates. C'est vraiment beau, c'est vraiment esthétique. Vraiment incroyable. Tout ça genre au ralenti, on voit des choses exploser ou péter en morceaux. C'est juste super impressionnant. La qualité est écœurante en tout cas. Ouais, c'est super beau. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. C'est juste, je n'ai même pas cherché d'où ça venait exactement, mais je trouve ça beau. Puis fun. Voilà. Cool. François, ben c'est ça, t'en amèneras toi aussi des plats favoris, des desserts, des légumes, des petites coupes de vin, des petites crudités. Ah, les crudités de François-Olivier. Les crudités. Parce que c'est beau. Ça marche. Les crudités de François-Olivier. C'est vendu. Semaine prochaine. Parfait. C'est bon. Pour l'instant, on va aller entendre Vallès Pariétaire avec la pièce qui est sur le palmarès, c'est Le Reflet. Et après ça, on parle avec M. Morgan. Oui, Dave Morgan, des Lundis L'Humour au Manchester. Juste après ça. Bye les garçons. Bye, merci. Salut. We'll be right back. le reflet de Vanesse Parietta sur leur maxi Canicule et Ours Polaire. En passant, maxi que vous pouvez télécharger gratuitement sur vanessparietta.com. Très bonne idée, très beau site. J'ai été me chercher. Oui, pour vrai? Oui, oui. Cool. Ouais, certainement. Très heureux d'entendre ça. C'est très le fun, tu peux l'avoir en Wave aussi et oui, en MP3. Pour graver un CD ou encore pour juste l'avoir dans ta banque iTunes. Ouais. C'est une très bonne idée, ça. Ouais, vraiment, vraiment. Vanesse Parietta, qu'on remercie d'ailleurs pour évidemment l'environnement sonore et la chanson thème d'Assemblage requis. Ce sont Vanesse Parietta. Mais eux autres, là, d'après moi, là, la cagnotte va sauter dans pas long. Tu penses? Ça va devenir fouin. Ben écoute, pour vrai, je pense que groupe québécois émergent. Ça me surprend que ça joue pas déjà partout. Et moi aussi. Moi aussi, ça me surprend. Très, très bon. Oui, tout à fait. Il nous reste très, très peu de temps, une dizaine de minutes à Assemblage requis. Dizaine de minutes, donc on va se dépêcher un peu. On va recevoir en direct Dave Morgan des Lundis d'Humour. Bon matin, messieurs, ça va bien? Très bien, vous aussi? Ben oui, ça va très bien. Merci de vous voyer. J'aime ça, je me sens encore plus vieux. Hey, écoute, un matin, j'ai essayé de t'appeler. J'ai pogné ta boîte vocale. Ça m'a très... écoute, je l'ai trouvé très, très drôle. Ah ouais? Oui? Oui, je voulais te le dire comme ça, là. Des heures d'enregistrement, merci, je suis content que... Raconte-le rapidement, non? Ah, enfin, ça se refait pas, là, surtout pas le matin comme ça, j'ai pas bu mon café, je parle trop vite, le débit est trop... Il faut 8 Red Bull pour faire cet enregistrement. Non, en tout cas... Ce matin, messieurs, on reçoit ce soir Stéphane Poirier au Manchester Pool Pub pour les Lundis de l'Humour. OK. J'espère que vous allez venir faire votre tour. Oui, certainement. Écoute, peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, je risque fort bien d'aller faire un tour. Oh, on dit tout le temps ça. C'est occupé, les gens de la radio. Hein? J'ai dit ça pas mal. Et puis, ça se lève de bonne heure aussi. Ça se lève de bonne heure. On couche tôt. Mais c'est ça, au Manchester, ce soir, on va avoir encore plein d'invités de la relève. Mathieu Cyr qui anime le tout. 7$ à l'entrée. Et puis... T'as toujours ta promotion. Oui, mais je rappelle aux gens aussi que la semaine prochaine, on fait tirer le saut en parachute et tous ceux qui arrivent avant 8h30 sont éligibles au tirage, ont un coupon là, pour le tirage qui va se faire, là, gracieuseté adrénaline. Alors, on les remercie. Ben oui, alors, Manchester Pool Pub, 7h30, 8h, là, arrivé, on part le show à 9h maximum, la petite bière est pas chère, et puis on va être au plaisir avec Stéphane Poirier, qui est en headline ce soir, qui animait les mercredis juste pour rire. Vous connaissez les gars, ça se jouait vers 8h, c'est un petit peu tard, peut-être vous étiez couché. Il est fin que nous autres, je trouve, à la fin. Ah ben 8h, écoute, c'est pas si pire. OK, ben c'est ça, c'est Stéphane Poirier, un excellent humoriste de relève, là. Il a gagné Révélation juste pour rire là, en 2008. C'est un petit homme très, très drôle, très drôle, ouais. Il faudrait que les gens se dépêchent pour y aller hein, aujourd'hui, parce qu'après ça, il va rester juste 2 soirées, si je comprends bien. Oui, en plein ça, on arrête pour le temps des fêtes, ce qui est un petit peu normal, là. On a une vie à vivre, là. Écoute, il faut développer les cadeaux, on recommence par contre le mois de janvier. Mais ouais, il reste 2 semaines, 3 semaines avec celle-ci, ouais. Si je ne me trompe pas, en plein ça, ouais. Merveilleux, en même temps que nous autres, en fait. Ah, bah écoute. On arrête en même temps, mais je pense qu'on repart un peu d'avance. OK, bon, on se fait un échange de cadeaux, les boys. Parfait. Cool. Parfait. Hey, merci, Dave. Puis écoute, Stéphane Poirier, ce soir, on arrive de bonne heure, 7h30, 8h, au Manchester pour avoir la chance de gagner un saut en parachute. Tout ça, gracieuseté. Seulement 7$ l'entrée. 7$ l'entrée, formidable. Donc, ce soir au Manchester. Merci, les boys, vous êtes bien gentils. Ben, ça fait plaisir. Écoute, on se reparle la semaine prochaine. Parfait. Ben, bon dîner, parce que c'est à peu près votre dîner, vous, là. Ah, le dîner, c'est pas 10h. C'est ça. Salut les gars. Salut, bonne journée. Hey, les insultes, ça va faire. Ah, fort sympathique, jeune homme. Très gentil, on l'aime bien. Donc, les Lundis de l'Humour, oui, ce soir au Manchester Pool Pub. François, c'est la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. Tout à fait. On va aller dîner. Hein? On va aller dîner vers 10h. C'est ça. On se laisse une petite heure là, pour... On se retrouve demain entre 7h et 9h pour une autre émission. Qu'est-ce qu'on a demain, François? Maxime Lemieux, la ramée. Oui. On reçoit aussi Émilie Gauthier. Oui, avec du plein air. Et là, ben, Stéphanie ne sera plus là le mardi parce non. que, vous l'aurez compris, elle a fait ses 2 chroniques le lundi. Tout à fait. On aime ça, ça égalise un petit peu les choses. Tout à fait. On va être moins coincé un peu le mardi. Et on va voir Régis Solerie aussi demain. Oui. Donc, quand même, pas, on n'est pas coincé. On va être moins coincé, mais ça va être le fun. C'est demain entre 7h et 9h. Restez à l'écoute aujourd'hui parce qu'à 11h, ça va être le dîner de con avec Charles-André Lambert et Danny Janvier. Ensuite, plus tard dans la journée, on a Les Betteraves Hurlantes à 16h avec Alex Drouin. Il faut pas manquer ça. La Voyée Libre à 18h. Le Voyage de 7 à 19h. Et Où c'est blanc, Où c'est noir avec du rap à partir de 20h. Voilà pour le plan de la journée d'aujourd'hui. On se retrouve donc demain. Et puis, il y a les nouvelles de Radio-Canada qui s'en viennent dans les prochaines minutes. Là aussi, il faut rester là. La sécheuse après ça. La sécheuse? La sécheuse, elle se met à on jusqu'à 11h après ça. Hein? Faites-vous sécher sur les ondes du 89.1. ça, faites-vous sécher. J'aime ça. Faites-vous sécher. Ah, c'est fou. C'est fou, ça sèche. C'est fou, ça sèche. C'est ça. Bon. Hey, merci, Matt. Merci. Je te souhaite une belle matinée, une belle journée. Pareillement. Continue ton beau travail. Ouais, toi aussi. Tout ce que j'aime. Beau travail. Beau travail. On se donne-tu une petite tape dans le dos? Non. Chacun de son banc? Non. À la place de l'un l'autre? Ah, ouais. Ça se fait mieux, je trouve, à distance comme ça? Ouais. Bon, ben, bye. Merci. Bye, merci. Merci. C'est bon. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.